Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Aïe, ça pique. Mais ça gratte. Ouille, ça pique. Mais qu'est-ce que ça gratte? Ça me donne des boutons sur le nez, sur le front. Ça me donne des boutons sur les joues et le menton. Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Aïe, ça pique. Mais ça gratte. Ouille, ça pique. Mais qu'est-ce que ça gratte? Ça me démange partout, sur les fesses, sur les genoux. Ça me démange partout, des pieds jusqu'au cou. Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Qu'est-ce que ça fait les moustiques? Aïe, ça pique. Mais ça gratte. Ouille, ça pique. Mais qu'est-ce que ça gratte? Ça chatouille, c'est énervant. Même les cheveux, même les dents. Ça chatouille, c'est énervant. Les globules que j'ai dans le sang. C'est ce que ça fait les moustiques. C'est ce que ça fait les moustiques.